La nouvelle est tombée la semaine dernière, c'est Charles Dubé-Brey qui quitte les Raptors 905 pour aller diriger les Blackjacks d'Ottawa. Ça, c'est une nouvelle ligue canadienne de basketball qui a vu le jour en 2019. Quoi qu'il en soit, on lui parle. Salut Charles! Salut, ça va bien? Ça va bien Charles? D'abord, je voulais te féliciter pour ton rôle dans les médias, soit à RDS ou également au 91.9. J'ai la chance de t'écouter dans les deux cas. Très très bon, tes chroniques au 91.9 et également à RDS. Je savais que tu avais des talents de communicateur pour avoir fait plusieurs entrevues avec toi. Bravo. Puis c'est le fun de parler de basketball. On en a parlé en masse avec Pascal Jobin. Au fil des années, on critiquait les médias d'RDS, les médias au Québec de ne pas s'intéresser assez suffisamment au basketball. Mais depuis le championnat des Raptors, my God, qui aurait dit ça il y a quelques années qu'il y aurait des émissions de basketball en français et qu'il y aurait des matchs quasiment tous les soirs du basket à RDS? C'est vraiment fantastique, là. Oui, vraiment le fun de voir comment le basket a grandi depuis quelques années, mais ça représente, je pense, que la population aime et fait depuis assez longtemps. On reste un peu, malheureusement, coincé dans cet historique-là, comme si les gens aimaient que le hockey ou des sports plus traditionnels comme ça, mais il reste qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de monde aujourd'hui qui grandissent avec un ballon de basket ou avec un ballon de soccer dans les pieds avant de prendre un bâton de hockey, ce qui n'était pas le cas dans les années 80-90. Donc, je pense que les médias ont un petit peu tardé à suivre cette évolution-là, mais maintenant, on commence à le voir, puis tant mieux si les Raptors ont donné un coup de pouce dans ce sens-là. Ben moi, je me rappelle d'avoir connu l'évolution de la NFL. C'était pas ça, la NFL, des années... Aujourd'hui, on parle beaucoup, beaucoup de la NFL, mais c'était pas ça, là, des années 90, il y avait juste Jacques Dussault qui était là. Fait que, tu sais, ça évolue comme dans n'importe quel sport, puis bravo, puis je pense que la NBA, c'est parti en montant, les jeunes s'intéressent de plus en plus au basketball, et c'est agréable. Charles, t'as quitté la semaine passée les Raptors 905. Pourquoi avoir quitté les Raptors pour les Jackals? D'abord, moi, j'ai su à travers les branches qu'il y avait eu des coupures dans la J-League. Est-ce que ça a un lien? Ben oui, directement. C'est ça la raison. Il n'y en a pas beaucoup d'autres à la base. Il y a 11 des 28 équipes déjà qui n'ont pas d'équipe cette saison, qui ont décidé de faire l'impasse sur la saison 2021. La saison, de toute façon, c'est un bien grand mot saison. C'est une bulle qui va durer un mois. Donc, c'est pour ça que beaucoup d'équipes ont jugé que ça valait pas la peine d'investir pour participer à un format aussi réduit, que c'est pas le bon timing, que ça vaut pas la peine. Puis, dans les équipes, les 17 autres qui participent, il y en a quand même beaucoup là-dedans qui vont avec des effectifs de staff extrêmement réduits, qui n'ont pas renouvelé une bonne quantité de contrats. Donc, t'as beaucoup, beaucoup de monde à travers la G-League qui ont écopé de la pandémie. Moi, j'ai pas de honte à dire que j'ai fait partie de ça. Donc, après, j'ai rapidement été contacté par les Blackjacks d'Ottawa pour le poste d'entraîneur-chef. Puis ça me fait grand plaisir de relever ce défi-là puis de passer au prochain chapitre avec ça. Donc, très content de la façon dont ça s'est passé, même si la pandémie, forcément, elle a des conséquences sur tout le monde, même au niveau sportif. Et Charles, la CBL, d'abord, est-ce que c'est la ligue que Mark Weidman travaille? J'ai fait une entrevue avec Mark il y a à peu près 5-6 mois de ça. Il travaille pour amener une équipe à Montréal. Est-ce que c'est la même ligue? Oui, c'est la même ligue. C'est la ligue qui est gérée par le commissaire Mike Morreale, qui est un ancien de la Ligue canadienne de football, et puis qui est financé derrière par le propriétaire de la ligue, qui est Richard Petco. OK. Quelle sorte de ligue que c'est? Je sais que c'est quand même une ligue assez sérieuse. Ça l'a vu le jour en 2019. Ça appartient à un propriétaire. Ça a 7-8 équipes, j'ai pu voir, un peu partout. On a des tentacules un peu partout, dans l'ouest, dans le centre et également en Ontario. Là, ça va vers Ottawa, là, on vise Montréal, éventuellement Québec. Est-ce que c'est une ligue qui est plus sérieuse un peu qu'on dirait que dans le temps des Dragons? Je ne sais pas si tu appelles les Dragons de Montréal ou des Matrix. Est-ce qu'on peut qualifier ça de beaucoup plus sérieux? Oh ben oui, ça c'est sûr et certain, même ça mérite pas d'être placé dans la même conversation, ça n'a rien à voir. Déjà, la Ligue a été créée en 2018, donc ça va être la troisième... c'est-à-dire, 2019 a été la première saison, 2018 ça a été la création de la Ligue, donc on va être cet été à la troisième saison, puis déjà un intérêt au niveau national avec le contrat télé qui a été signé avec CBC, donc c'est quand même nouveau de pouvoir voir le basket pro canadien à la télé nationale, puis également juste simplement le fait que que ça couvre vraiment les marchés de l'Est jusqu'à l'Ouest du pays. Ça aussi, c'est assez unique. On a eu par le passé les ligues. Moi, j'ai été l'entraîneur-chef des Caps pendant 2 ans, de 2007 à 2009, mais tout ça était dans le Nord-Est américain. Donc, on se déplaçait pas jusqu'à la côte Ouest, mais simplement la CBL, c'est l'équivalent de la CFL au football. C'est le pendant basketball de ce que la CFL a été pendant longtemps. Je pense que le Canada mérite d'avoir une ligue pro qui est installée dans les plus grands marchés canadiens, qui génère un intérêt là-dessus, sans dire que la CFL, c'est pas la NFL, comme la CBL, c'est pas la NBA, mais il reste que c'est un très, très bon niveau de jeu, puis la CFL, ben, c'est des marques que tout le monde connaît depuis longtemps. Quand tu parles des Alouettes de Montréal, les Alouettes de Toronto, etc., ben, tout le monde à travers le Canada qui aime un peu le sport, ben, connaît ces équipes-là, puis sait ce que c'est le championnat de football canadien année après année. Donc, c'est tout à fait normal pour moi, puis c'est même un gros manque qu'il n'y ait pas déjà cette ligue de basketball-là, puis tant mieux si Richard Petko puis son groupe ont réussi à créer ça en 2018, puis maintenant, il faut tout faire pour que cette ligue-là elle grandisse d'année en année, puis qu'elle prenne sa place dans l'univers sportif canadien. Qu'est-ce que c'est les joueurs de Calibre? Est-ce qu'on peut comparer ça un peu à la J League? Est-ce qu'on peut comparer ça à ce qui se passe à certaines ligues en Europe? C'est sûr, l'Europe, c'est très fort comme Calibre, là, surtout les ligues européennes. Mais est-ce qu'on peut qualifier un petit peu de à quoi ça ressemble? Ben oui, c'est comparable à ce que tu vois dans certains pays européens. Après, l'Europe, c'est un continent. Il y a des dizaines et des dizaines de ligues sur le continent européen, donc il y en a forcément des plus fortes et des moins fortes. Si tu parles des ligues continentales comme l'Euroleague, l'Eurocup et compagnie, c'est plus fort que ce que la CBL propose en ce moment, ça c'est sûr. Après, l'avantage qu'il y a au Canada, c'est que les joueurs locaux, c'est des Canadiens. Le Canada, c'est un des pays où il y a le plus de talent au monde. On est deuxième en termes de production de joueurs NBA, avec pratiquement une vingtaine cette année dans les équipes à travers l'NBA. Donc, quand tu as un certain quota de joueurs locaux à voir, comme à peu près toutes les ligues dans le monde ont, ben, je veux dire, si tes joueurs, c'est des Canadiens plutôt qu'un autre pays qui est moins talentueux, ben, ton niveau de base est plus élevé aussi. Après, tu rajoutes à ça certains joueurs américains, puis ça te crée un niveau qui est vraiment intéressant. Donc, une ligue à laquelle tu peux potentiellement sur le moyen terme comparer la CBL en termes de ce qu'on peut viser, c'est une ligue comme la Ligue australienne, qui est une des très bonnes ligues mondiales, où l'Australie, c'est un pays qui ressemble beaucoup au Canada. C'est un grand pays qui n'est pas nécessairement extrêmement peuplé. Leur ligue fonctionne avec un système de franchise aussi, pas avec des montées-descentes de division comme le sport européen le fait en général. Donc, c'est le même principe un petit peu que la CBL. L'Australie, c'est un très bon pays qui produit beaucoup de talent aussi au basket, malgré une population qui n'est pas hyper nombreuse comme les États-Unis peuvent l'être ou comme certains pays européens peuvent l'être. Je veux dire, des pays comme la France, l'Allemagne, etc., ça a deux fois plus de population que le Canada. Mais au Canada, tu as quand même un niveau de base qui est élevé. Donc, le niveau, moi, j'ai regardé tout ce qui s'est passé l'été dernier et l'été d'avant. C'est assez relevé. Mais je pense que plus les années vont passer, plus le niveau va augmenter aussi parce que la Ligue va grandir. Ça va s'établir comme une vraie destination pour les joueurs professionnels qui, historiquement, allaient en Europe. Maintenant, ça va être une potentialité pour eux de rester au Canada. OK. Dis-moi, est-ce que, je regarde, je suis aussi sur le site de la Ligue, en même temps je te parle, pour suivre les activités de la Ligue canadienne de football régulièrement, il y a à peu près une trentaine de... Il y a un ratio de joueurs canadiens. C'est le même principe un peu? Est-ce que... C'est 9 joueurs canadiens puis avec un maximum de 3 joueurs américains sur Les effectifs. OK. Donc ça va ouvrir quand même les portes à beaucoup de joueurs universitaires américains ou encore, tu sais, je regarde il y a beaucoup de joueurs actuellement qui sont dans la NCAA également, qui ne sont pas nécessairement des carrières professionnelles, par contre, dans la NBA, par contre, ça peut être un beau débouché, là. Oui, ben c'est super pour le basket canadien, puis tant au niveau des joueurs, parce que déjà aujourd'hui, si t'as 7 équipes fois 9 joueurs canadiens, c'est déjà 63 jobs de joueurs de basket au Canada pour des joueurs canadiens, puis ce nombre-là va augmenter d'année en année. C'est aussi des jobs pour des entraîneurs-chefs, pour des assistants-coachs, pour des coordonnateurs vidéo, pour des physiothérapeutes, pour des directeurs-gérants, pour des gens qui travaillent dans le scouting, donc ça veut pas dire que tous ces jobs-là, au jour d'aujourd'hui, sont des jobs à temps plein, mais ça reste que à travers le fait de vouloir se construire une carrière dans le monde du sport, dans le monde du basket, ben, ce qui fait que partout dans le monde, t'as des centaines, voire des milliers de personnes qui travaillent dans le monde du sport, dans le monde du basket, ben, c'est parce qu'il y a des ligues comme ça. Puis c'est très dur de le faire si t'as pas ces ligues-là installées parce que, je veux dire, dans le milieu universitaire canadien, les budgets sont ce qu'ils sont, puis ça a ses limites par rapport à la quantité de personnes que tu peux embaucher. Mais d'avoir une ligue comme ça, ben, forcément, ça crée plein de débouchés à plein de niveaux, puis ça va permettre à beaucoup de gens, joueurs et staff, chances d'améliorer leur carrière, d'améliorer leur CV, puis de pouvoir vraiment aspirer à faire des carrières là-dedans. Les trois joueurs américains, Charles, est-ce qu'il y a des joueurs que, où vous les prenez, c'est des anciens de la J-League, y a-t-il des joueurs qu'on a vus un peu dans la Ligue au complet, qu'on a vu dans la NBA, qui ont déjà joué dans la NBA? Ben, il y en avait l'été dernier. Ben, je pense que en fonction des carrières des uns et des autres, on va s'attendre à en voir différents joueurs qui ont mis les pieds dans la NBA et ouais. jouer dans cette ligue-là, comme tu peux en voir en France ou en Espagne ou dans la plupart des plus grands pays mondiaux si tu scannes les effectifs. Souvent, l'année dernière, tu avais Briante Weber, ancien du Thunder d'Oklahoma City, qui était avec l'équipe de Hamilton dans la Ligue canadienne. Donc, de la même façon qu'un peu dans la CFL, tu as certains joueurs de la NFL qui vont mettre les pieds là-dedans. Donc, ça va être le cas aussi dans la CBA. OK. Est-ce que l'année passée, il y avait six matchs? Ils ont joué six matchs, mais c'était un tournoi, mais c'était une année bizarre. C'est une année très bizarre. Est-ce que cette année, en 2021, est-ce qu'on a des visées pour une ligue avec des spectateurs, avec aussi plus de beaucoup plus de matchs? Ça va ressembler plus à 2019 qu'en 2020. As-tu entendu parler de quelque chose là-dessus? Oui, ben on essaie de jouer une saison à proprement parler, là, une saison où on va jouer dans nos marchés, dans nos arénas. C'est sûr qu'on peut pas prévoir d'avance où exactement la pandémie va en être rendue au mois de mai, mais disons qu'on a quand même un peu de temps devant nous. Les choses vont un petit peu mieux maintenant en espérant que l'adoucissement du climat plus la vaccination fasse en sorte que ça s'en aille vers le mieux plutôt qu'en espérant qu'il n'y a pas une troisième vague qui arrive. Mais bon, ça, personne ne peut prévoir exactement ce que c'est. Donc, forcément, tu as un plan A, plan B, plan C. Donc, je pense que le dernier recours, ça serait de faire une bulle comme l'année dernière, avec un tournoi, pardon, raccourci. Mais je pense que l'idée à la base, c'est de jouer chacun dans nos marchés. Puis, potentiellement, on s'attend à ce qu'il y ait probablement soit pas de fans dans les estrades ou peu de fans dans les estrades. Si on est capable d'en mettre quelques-uns, c'est déjà mieux que zéro. Puis que possiblement que ce nombre de fans-là dans les estrades va pouvoir évoluer tout au long de l'été si les choses vont en s'améliorant. Mais ça, c'est encore très tôt pour le dire. Mais c'est ce qu'on espère. En tout cas, on se prépare pour le plan A. Puis on bifurquera si jamais il faut le faire. Okay. Ben Charles, moi, tu souhaitais la meilleure des chances, évidemment. C'est vraiment le fun que de voir le basketball. Juste pour donner une idée, en fin de semaine, je regardais sur YouTube un match du Dream Team contre Dream Team de 92 contre le Canada, un match au concours. T'avais Bill Willington, t'avais Leo Rodden comme joueur. Il me semble que le basketball est des années-lumière de ça maintenant. C'est incroyable. Et pour le mieux, là. C'est juste... Oui, le sport s'est beaucoup amélioré, indépendamment de ce que le monde peut dire ou ceux qui préfèrent vivre dans la nostalgie du passé puis se dire que parce que le basket était plus physique entre guillemets à l'époque que les joueurs étaient meilleurs. Moi, j'ai envie de dire la comparaison facile pour moi, c'est de dire je sais pas moi si les Flyers des années 70, les Broad Street Bullies, je veux dire ils étaient peut-être bien physiques puis peut-être qu'ils se battaient à toutes les cinq minutes. Je suis pas sûr que si t'es mis sur la glace aujourd'hui contre une bonne équipe de la Ligue nationale qui sont capables de tenir la route longtemps. Fait que c'est un peu la même chose pour moi au basket, c'est que je pense que ces équipes-là, oui, elles étaient physiques, mais il n'y avait pas du tout le niveau de vitesse, de qualité athlétique puis de tir extérieur. Surtout maintenant, on est dans une époque où tout le monde est capable de lancer le ballon en pratiquement 25 pieds du panier, alors qu'avant, t'en avais un par équipe qui était spécialisé là-dedans, puis c'était tout. Donc, je pense que le jeu, c'est beaucoup élargi, aéré. La même façon que si tu regardes du football, c'est pareil pour moi aussi. Tu sais, les équipes ont les carrières d'aujourd'hui, ben ils lancent le ballon 50 fois par match dans certains cas, puis ça crée beaucoup plus d'espacement, alors que la mentalité avant, c'était de jouer plus physique, plus au sol. Donc, les sports évoluent comme ça, puis je pense que le basket, ça y a pas échappé. C'est un sport où, de toute façon, c'est toujours intéressant, je pense, dans le sport, quand les meilleurs, quand l'habileté prime sur juste le fait d'être grand ou d'être gros. Puis on a beaucoup, historiquement, joué le basket comme un sport de grand proche du panier, mais l'avènement de la ligne à trois points permet aux joueurs plus petits, plus rapides, ce que Stephen Curry a proposé, entre autres, depuis une dizaine d'années, puis l'impact que ça a sur ce genre de joueurs-là, ça a beaucoup influencé notre sport, effectivement. Je pense que ça s'en va dans la bonne direction. Ah, écoute, puis l'arrivée des Raptors a tellement changé d'affaires. C'est depuis ce temps-là, puis on voyait même qu'il y a encore six joueurs canadiens qui sont éligibles au repêchage, qui ont des chances d'être repêchés pour le repêchage de 2021. Évidemment, tu as Bénédicte Mathurin et tu as également Quincy Guerrier, mais il y en a d'autres qui ont des chances aussi. Ça te démontre comment le talent canadien est devenu fort. Charles, bonne chance, bravo, puis on va peut-être se reparler au courant de l'été. Parfait, merci. Notre ami Charles Dubé-Brett.